nak ñaari colonel la woon. Colonel yi mosuñu gis avion nag, ay koko lañ. Léegi nag avion présidentiel romb leen rek, kene gi ne yi colonel Sarr xoolal kii nii avion Baye Zengor bi rek. Colonel Dieng ne ko yaa mun a fen, bu doon avion bi doo gis escorte bi si kaw air motards yi.